ou 2008, il avait défié les gens du RMQ, qui était le parti qui se présentait contre lui, de se faire élire sur la question du tramway, parce que lui, il était contre à l'époque. Il avait dit en onde ici à Radio X, alors qu'il était collaborateur à la Station de Québec, chroniqueur politique, mais il s'était lancé par la suite à la mairie en remplacement de la mairesse Boucher, qui est morte. Donc, octobre 2009, à peu près un an plus tard, il faut avoir des voies réservées.